balles. Ouais, la famille. On va pouvoir essayer quelques trucs. Pardon si j'insiste, mon son un zeste. Cite mon tabasco wasabi, ça pique mais vas-y résiste. Tu veux du bag zoomique? Non non j'ai pas le temps. J'fous nada de ma vie, mais bon j'ai pas le temps. Tu veux que ça aille vite, t'es fanatique. Le rap c'est pas de la magie, tu t'agites, mais moi j'ai pas le temps. Non non j'ai pas le temps. Qui fait que des phases de folie. Mais si tu flippes, si jamais tu t'affoles, si tu files dans la foule, t'es l'un feu follé. Esquive les gifs, car si je débarque, j'espère pas être seul. Me laisse pas l'occasion de te foutre dans une boîte. Je te filerai pas de linceul, donc ferme ta gueule, ouais. Accepte ta débâcle, ne parle pas mal de Mr. Baggins. Tu pourrais finir seul, je suis pas méchant. Mais je peux être dangereux sans faire exprès. Je suis pas un petit écolier de lui. Je suis pas tout sec, mec. Je suis pas tout sec, non, non. Parle pas mal de mes phases, tu les as pas lues. Appelle-moi Magic Bongo, je te défonce comme une pipa. Sauf qu'à la place de l'eau, j'aurais glissé un peu de nitro. Des sérines, merci Azox pour la rime. La soirée va être folle. Vas-y, je t'en prie, ramène tes copines, je suis un espéreur. Je dégaine un sourire, trop tueur, je smile. Pendant que toi tu défourailles, touche plus de monde avec mes phases que tous tes potes quand ils écrasent un type tout seul. Moi y'a trop d'oreilles qui m'ont à l'œil. Et tout n'est pas si facile quand il s'agit d'avoir du style. Yeah, il est parti en fait, mais bon. gens se cachent. C'est bien connu. Les gens se masquent, les gens sont lâches. On l'a tous déjà entendu, tous déjà pensé. Veut-on voir la vérité? Est-ce qu'on en a la moindre idée? Finalement, est-on vraiment prêt? Salto beaucoup, appelle-moi Bilbo la Volti. J'ai du peu me dire d'aller me faire voir, moi et mon Scoogie. Mais tu peux pas m'empêcher de croire que les étoiles entendent ce que je dis. Savent ce que je dis depuis que j'ai l'âge de le dire. Bien que ça fait chaque balle verbale que je tire. Mais je dégomme des tonnes et des tonnes, même si. Non, je déconne, des fois je décolle, mais ça m'étonne. Même si je sais qu'on se ment les uns les autres, je sais qu'on fait le faux. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine de finir aux infos? Fou dans la foule, shootant à coup de tous à cause du bouse éveillé par le manque du bon vieux sang. Non mais tu t'entends, ton vécu blanc blanc, pompé sur tant de gens et ta sale manière d'être. Mon déçu franchement, on est plus semblant, on met plus de gants blancs pour servir ses maîtres, non. On est plus semblant, oui messier, on débute grandement, je vais m'immiscer, je suis initié. Fondé du rendement, qui sait, et tissé, de la fin et du changement. Et danse pour me glisser, mais c'est toujours le même qui parle, le même qui parle.